ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bande à la famille, hein. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé. Heureux d'être avec vous côté météo ce matin, ouais, c'est humide, très humide, hein, ouais, ouais. Ça va, les températures sont plutôt pas mal, on va dire, on dépassera pas les 7 degrés, mais on est bien, en tout cas heureux de vous retrouver, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. 02 38 43 48 00, le numéro du standard, si vous voulez nous appeler, ben, n'hésitez pas, 02 38 43 48 00. On démarre avec un bon souvenir que j'affectionne et que j'adore aussi, avec les Cullen des Gangs et Johanna, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. love you, Shri Badish, Tikielo, Miamol, 7h05 avec les colonnes de gang. Joanna sur Radio Arc-en-Ciel, belle journée et bon réveil à tous. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio, il est déjà réveillé depuis, je sais pas, très tôt ce matin, c'est Stéphane avec nos téléphones. Bonjour Stéphane. Bonjour Monsieur Francky. Le réveil pas trop dur, tu te lèves à quelle heure toi comme ça le lundi? Je me lève, j'ai pas besoin de radio réveil, moi je me réveille tout seul moi. À l'ancienne, le radio réveil. Ouais, mais il sert à rien, c'est le radio réveil, à 3h30 je suis debout moi. À 3h30 du matin et tu commences à quelle heure? 7h. 7h, waouh, et pourquoi si tôt? Bah, tu sais, c'est l'habitude, hein. Ouais, pas facile, hein, ouais. Bah, tu sais, même le week-end, hein, tu dors rarement... Ouais, les grasses matinées, je connais pas. Ah, il faut dormir, hein. C'est important pour la santé, c'est comme dit mon médecin. Ah, je dors, mais pas beaucoup, mais je dors. Pas beaucoup. Bon, bah, il y a du boulot ce matin, un petit peu? Ouais, ça court, bah là, je suis tranquille, en train d'allumer les ordinateurs. Ah ouais, bon, bah, s'il y a du boulot, ça va, c'est l'essentiel. Ouais, bah, souvent, nous, il y aura toujours du boulot. Toujours du boulot. Le programme, tu finis à quelle heure, toi? 5h, 6h? 17h30, comme toute la semaine. Ah ouais, ça fait des bonnes journées quand même, hein. Ouais, mais là, j'ai peut-être posé mon vendredi, là, je suis fatigué, là, peut-être poser mon vendredi. Bon, bah, pose-le, alors, je te donne l'autorisation. Ah, c'est gentil, mais je suis pas sûr que mes responsables soient d'accord, mais j'ai quand même essayé. On va les appeler si tu veux, y'a pas de problème. Non, laisse tomber. On dirait qu'à la radio. Pas de la pub pour eux. Bon, bah, passe une belle journée. Ouais, merci à toi, Francky. Merci de ton appel. À bientôt, hein. Eh bien, quand tu veux, mon ami, donne des os. Ah, toi aussi. À plus tard, mon Francky. Salut, ciao, Stéphane. Ciao. Belle journée. Si vous aussi vous voulez nous appeler, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Allez-y, lâchez-vous. 02 38 43 48 00. Fallait pas. Bah, si, fallait. C'est Marwalad qui arrive sur la radio française. On vous souhaite un bon réveil. 96.2 FM. Bah si, fallait, hein. Je sais pas ce qu'elle vient, elle, Marwalad. Tiens, je vais aller voir sur internet. Je sais pas si elle est encore dans la musique, peut-être. Bon, si elle veut arrêter un peu, hein, y a pas de problème. On adore, hein. Sébastien, c'est la radio couleur. Belle journée, courage à vous. Salut à Joe qui est connecté. Salut à Sandra. Salut à Amy. Vous êtes nombreux ce matin, merci d'être là. Salut à Christelin aussi. Belle journée et bon réveil. Son por solo un día, si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño, y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Mi condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía, y mis amigos. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Que no haya mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena. La culpa mia. 7h12 minutes avec Sébastien, heureux d'être avec vous. Vous pouvez nous appeler ce matin si vous voulez passer un petit message. Tiens, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. La météo. Eh bien, la météo, Evelyne Delia, pour ce matin, le ciel est couvert, nuageux, avec quelques petites gouttes de pluie au lever du jour. 2 petits degrés, on ne dépassera pas les 7 degrés. Vraiment, la mauvaise nouvelle, c'est que cette semaine, ça va être plutôt pourri. Cette semaine, ouais, mardi, de la pluie, des nuages. Mercredi, pas de pluie, mais ciel très couvert, jeudi aussi. Vendredi aussi, un ciel couvert avec quelques gouttes de pluie. Le beau temps devrait revenir normalement samedi. Normalement. Dimanche, je remets ça. Donc, pas terrible ce matin. 7 degrés, le max. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Avec du son qui arrive, Stéphane Eicher. Tu ne me dois rien, je ne te dois rien. Bah ouais, c'est comme ça. On vous souhaite une très très bonne journée. Lundi matin, c'est vrai que c'est pas facile. Voici Stéphane Eicher. Je ne t'entends pas très bien. Il y a si longtemps. D'où m'appelles-tu, d'où viens? Ce besoin si pressant. M'écouter soudain. Les poules aura-t-elle des dents? Ma voix t'a-t-elle manqué après bien ton nom? Ce serait une belle journée et il n'y en a pas tant. Je sais me contenter de petites choses. Les bons moments, j'ai eu quelquefois peur que tu m'oublieras. Tu as sur mon humeur encore des effets. Mais tu ne me dois rien. J'ai eu un mal chien à me faire à cette idée. Secret, chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien. Non, rien. Tu ne m'as pas dérangé. Je vis seul pour l'instant. Mais je ne suis pas pressé. Tu sais, je prends mon temps. Si compliqué, tout me paraît si différent. On ne refait pas sa vie, on continue seulement. On dort moins bien la nuit, on écoute patiemment. De la maison, les bruits du dehors. Rien, J'ai eu un mal de chien à me faire cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en sais gré? Chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien. Heures, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Bon, Katia qui nous écoute du côté de Blois, qui va au boulot ce matin, belle journée comme ça. Tous les matins, 7h, 9h, heureux d'être avec vous. C'est Francky dans la radio, les Queens. Et puis, un DJ qu'on adore à la radio, c'est Disco Purple Machine. Il a commencé sa carrière en 2000. Il est d'Allemagne, il s'appelle Tino Pionce. Voici Purple Disco Machine et Playbox.

con mi gente jamás vencido. Quemo, quemo, esta noche quemo. Y los bomberos mirando el fuego. Me vuelve loco con el sonido. Y con mi gente jamás vencido. Te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Hola, que tal? Bon réveil et belle journée. Kenji Hegira qui va bientôt faire ses premiers pas en tant qu'acteur. Hein. Il sera prochainement à l'affiche d'un téléfilm dans lequel il incarnera un jeune homme prénommé Zach qui tente de cacher son illettrisme. À ne pas rater, Kenji à l'écran sur TF1. Bientôt, heureux d'être là. C'est Francky dans la radio. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Et le matin, c'est bien, Tintin. Courage à vous, si vous voulez d'arriver, on est en direct jusqu'à 9h. Avec du son qui arrive, on aura un homie, on aura Jean-François Maurice, la reprise de 28 degrés à l'ombre. Et Kelly Clarkson, Because on You. Belle journée et bon réveil. Parce que c'est toi, parce que c'est vous le matin qui partez au boulot le lundi, pas facile, hein. On est heureux d'être avec vous, Jean-Claude, qui est là ce matin du côté de Saint-Cyr en Val. Belle journée, Francky, merci. Et puis le son des années 90, qu'on adore, 97. La sortie de l'album Around the World des Daft Punk, carton des Club House. Un titre qu'il faut forcément avoir dans la voiture le matin pour aller au boulot avec Around the World, c'est les Daft Punk. Belle journée, puis merci d'être aussi nombreux le matin sur Orléans. Vous êtes de plus en plus à écouter Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici les Daft Punk. La séparation est bien là, mais bon, la bonne musique, ça fait du bien comme ça, à fond dans la bagnole, direction le taf. Les Daft Punk sur Radio Arc-en-Ciel. We'll be right back. Qui part en live, hein. En tout cas les discothèques qui vont réouvrir, ça c'est sûr, le 16 février, ça fait du bien au moral pour certains, ouais, ça leur manque, hein. Ça manque de faire la fête, et bien le 16, à partir du 16 février, les clubs en France vont réouvrir, nos amis DJ qui vont prendre les platines, et justement ce matin, un spécial DJ jusqu'à 8h avec David Vendetta, Break for Love. Belle journée, un temps humide et couvert ce matin, mais on est là jusqu'à 7 degrés. Voici David Vendetta, l'ancien DJ, ouais, qui a carrément arrêté sa carrière, bah, bizarre. Au boulot, c'est Francky. What I feel. 9h, c'est Frankie dans la radio. Comment ça, vous l'avez pas encore vu ce film? Irène Cara, What a Feeling, revu et corrigé par le DJ Snuffed Jand en 2000. What a Feeling, du son latina. Daddy Yankee, Dula, Dula, belle journée sous le soleil de la radio arc-en-ciel. Jusqu'à 9h, El Rayos del Sol. Y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura más arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo con mi piel. Está dura, yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo. Alors vous savez comment il s'appelle Daddy Yankee? Je vais vous donner son blaze. Eh, le vrai, hein, attention. Ramon Luis Ayala Rodriguez avec Dula. Dula, on va être là, c'est Frankie dans la radio. Salut à Nono qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Bray. Belle journée à toi mon Frankie, merci pour ce rayon de soleil. Bah oui, 7h43, plein de remix ce matin pour vous emmener au boulot, au bureau peut-être déjà. Bah ouais, hein, pas facile. Avec Elton John, Sacrifice. tears to damage. When jealousy burns, cold heart, heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's all sacrifice, simple love. It's too hard to bear it in just every world. But it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice, cette version, ce petit remix sympa. Elton John, Sacrifice 2021. On va d'être là, 7h46. L'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Et on démarre avec les béliers. Ce matin, votre bonne humeur sera contagieuse. Le sourire que vous peindrez dès l'aurore sur vos lèvres déteindra joyeusement sur toutes les personnes que vous rencontrerez aujourd'hui. Ouais, c'est philosophe hein, ce matin les béliers. Hein. Les taureaux, vous bénéficiez du bon flux astro. L'ambiance familiale est au beau fixe ce matin. Les gémeaux, des changements s'annoncent dans ce domaine. Ne laissez pas de petits soucis entraver votre vie aujourd'hui. Les cancers, célibataires, méfiez-vous des amours exotiques. La personne que vous allez rencontrer vous donnera envie de tenter l'aventure de la vie à deux. Les lions, vous saurez quel effort faire pour améliorer votre vie sentimentale. Les vierges, vos relations gagneront en passion et en intensité aujourd'hui. Les balances, une complicité de cœur et d'esprit vous lie de plus en plus à un proche et cela pourrait ne pas plaire à certains. Les scorpions, votre charme fait fureur aujourd'hui, alors foncez. Les sagittaires, vous établirez ou approfondirez des relations complices et chaleureuses ce matin. Les capricornes, vous mènerez votre vie amoureuse à votre façon, alors n'hésitez pas, foncez les capricornes. Les verseaux, vous entrez dans une période sentimentale harmonieuse aujourd'hui. Et enfin les poissons, un de vos proches pourrait s'éloigner pour son travail ou ses études. Belle journée sur la conseillère, heureux d'être là. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous appeler pour passer un petit message, faire un petit coucou d'antenne, et bien allez-y. 02 38 43 48 00. Coucou à Stéphane qui est connecté du côté de Orléans-Saran, aussi à Eduardo qui est là ce matin dans les bureaux de la radio. Ah bah tiens, il y a du monde déjà. Et puis aussi à José qui est dans son camion ce matin. Ça y est, direction le boulot. Je suis levé depuis 5h du mat et je suis déjà au taf. Vous aussi peut-être hein, direction le bureau ce matin avec Jérusalem, Master 4G et Matthewson qui arrivait positif. Ooh. yo no lo sé. Tú, ya húmame, a mi húmame. 7h09, Francky dans la radio, 7h51, on est précis, hein, avec Jojo qui nous écoute de Saint-Tiche, hein, on les écoute, et ils sont là dans la voiture, Jojo et puis Olivier, belle journée les amis, et puis aussi Katia qui est direction Blois, le boulot, Stéphanie aussi qui va au taf ce matin, salut Francky pour toutes les mamans du monde, un petit bisou, bah ça fait plaisir, l'anniversaire de sa maman qui a 63 ans aujourd'hui, bah justement, tiens, les mamans, les femmes, on les aime ce matin à l'antenne, avec Jean-Luc Lahaye, qui a des petits soucis avec la justice en ce moment, mais bon, on l'aime bien l'antenne, avec ce petit remix sympatoche qu'on aime bien sur Radio Arc-en-Ciel. Femmes, à toutes les femmes, les mamans aujourd'hui qui vont au boulot, bah ouais, pas facile hein, le lundi matin. Belle journée et bon réveil sur la radio couleur 96.2 FM. Des souvenirs. Hey, je vous ai vu chanter dans la voiture femme sur le refrain, forcément. Ça rappelle des bons moments. On va être là avec vous, la météo qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel 7h55. La météo. La météo pour ce matin, le ciel est nuageux et quelques petites gouttes de pluie au réveil. Les températures 2 degrés, on ne dépassera pas les 7 degrés. Et ça va être comme ça, ça va perdurer malheureusement toute la semaine. Samedi, un peu de soleil, ça va faire du bien avec encore quelques nuages. Le beau temps ne devrait pas revenir avant la semaine prochaine. Voilà, là je vous ai niqué la matinée. Et ouais, c'est comme ça. On va être là avec Matthew Stone qui arrivait positif sur la radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Not again, little boy, get killed, not again, little bit of sign. Arc-en-ciel 96.2 FM. On est heureux de vous retrouver ce matin avec Matt Houston et Positif. Positif, alors en ce moment c'est pas terrible, ça dépend. Ça dépend le sens de l'emploi. En tout cas, j'ai un invité téléphonique qui vient de m'appeler et ça me fait plaisir de l'avoir. On l'accueille tout de suite, c'est Pascal, bougez pas. Pascal de la radio, il arrive. Eh ouais, ça me fait plaisir. Radio Arc-en-ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est pas tous les jours qu'on l'a à la radio. Bonjour Pascal. Salut mon Frankie. Eh ben, et toi, bien, en pleine forme. La voix officielle de mes jingles le matin, l'après-midi, le soir, il est là, avec des beaux jingles de Radio Arc-en-Ciel. Ça va Pascal, la forme? Bien. Ça va. Bien débordé, mais ça va. Toujours débordé, je le sais bien. Beaucoup de boulot en ce moment? Oui, ça s'est calmé au niveau du travail. J'en parle pas, mais ouais. Au niveau du travail, ça s'est calmé. Mais j'ai pas mal de projets perso, l'immobilier, donc. Ah bah dans l'immobilier. Off en même temps, donc beaucoup de boulot. Et puis les voix off pour l'émission de Francky au réveil, et puis aussi des émissions de la radio. Bon, merci pour tous tes jingles, tes beaux jingles. Ah ouais, c'est un grand plaisir de les faire en plus, c'est bien. Eh, tu pourrais m'en faire en live un jingle que tu me fais n'importe lequel. Tu dois les connaître par cœur à force. Oui. Alors attends. Tous les matins, réveillez-vous avec Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ah ouais, c'est cela, hein. Effectivement. Bon, le micro n'étant pas le même, le résultat n'est sûrement pas pareil. Non, mais bon, on a bien reconnu la voix, une belle voix en tous les cas. Souvent, on me dit, ah, ton gars qui fait les jingles, faut que tu me le présentes. Ouais, ouais, on va vous le présenter. Un jour, tu viendras un matin quand t'auras le temps. Oui, c'est vrai. Ouais, il faudrait que tu fasses ça, ouais. Ça serait sympatoche. Bon, alors, au boulot ce matin, tu fais quoi là? Oui, je suis sur la route du boulot puisque je travaille toute la semaine sur Orléans. Ouais. Et là, le week-end, je suis sur Châteauroux, donc tu vois pas à côté. Ah, c'est pas là, ouais, carrément. Et tu fais des allers-retours la semaine ou tu dors sur Orléans? Ouais, je fais pas mal d'allers-retours. Ah ouais, motivé quand même, hein. Ah ouais. C'est ça, quand on aime son travail, c'est ça. Eh bien en tout cas ce petit appel vraiment surprise, je vais dire, ce matin, ça me fait vraiment plaisir, Pascal. Et puis je voulais faire un grand soutien à ce que tu as comme activité annexe. Ouais, la boîte. Je sais, vous êtes bien embêté, donc la porte de sortie arrive apparemment dans pas longtemps. Ah bah, bon. J'espère. Enfin, au bout de deux ans presque, c'est vrai. Hein. C'est ça. Et on voulait dire à tous les auditeurs, dans un mois, ça fera deux ans que les discothèques ont presque pas ouvert, on va dire. Hein. Ouais, c'est impressionnant. C'est énorme, hein. Je connais pas de société en France qui ont fermé presque deux ans, moi, personnellement. Non. Bah, ou alors qu'ils sont pas restés debout, hein, parce que. Ouais, malheureusement aussi, on pense à toutes les boîtes qui n'ont pas pu tenir à cause de ça, justement. C'est pas facile du tout. En tout cas, merci de ton appel, Pascal, ce matin. Eh ben, un gros bisou à toi et puis à tous les auditeurs, à l'occasion. Et puis, au nom de la radio, on voulait te remercier pour tous ces beaux jingles que tu nous fais. Merci à toi, mon Francky. Merci, Pascal. Bonne journée. Belle journée, salut. Heureux d'être là avec vous. Et la Camisa Negra qui arrive.

Ça, ça met la bonne humeur le matin. Maluma, fallait chill sur le quatre. Je sais pas ce que ça veut dire. Appelez-moi, tiens, ce matin. 02 38 43 48 00. Damien qui est connecté du côté de Olivier. Salut Francky. Merci d'être là le matin. Ça nous met de très bonne humeur. Joël qui est là aussi avec Olivier. On les salue. La famille perfect. La version French. Sarah H. On adore cette fille à la radio. Écoutez, elle a un super album. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Laissez-nous chanter. 8h25 en direct ce matin. Et mis l'image jusqu'au bout de la nuit, de la matinée plutôt ce matin. On est heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 9h. Côté météo, ça caille ce matin un petit peu. Hein. 2 petits degrés, on va pas dépasser les 7. Le temps est nuageux, grisâtre, pluvieux. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va durer toute la semaine quasiment. Hein. Un peu de soleil, la rayon du sol, Daddy Yankee, El Loque Paso, Paso. Belle journée, courage à vous si vous reprenez le taf ce matin. On est là en direct. Il y a longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Casanova, appelle-moi Francky ce matin, 8h. 30 minutes en direct à la madame qui arrive. Bah, 1990, forcément, ça vous rappelle le meilleur des moments. Avec Vogue, 1990, vous aviez quel âge? Ouais, on n'était pas tout jeune, hein. Heureux d'être là, jusqu'à 9h. Let you rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. 8h35 minutes et puis je vous rappelle la semaine, si vous voulez être mon invité radio, on parle de vous à la radio en direct, c'est un bon plan quand même. Hein. Association, vous voulez parler de job, vous voulez parler de projet, vous êtes sportif, vous faites de la musique, et bien vous me contactez ici à la radio et puis on vous invitera le matin avec plein d'invités qui arrivent. Ça je garde ça secret pour l'instant. Ah ouais, il y a du lourd qui arrive, je peux vous le dire. Il y a du très très lourd. 8h36 minutes en direct à la radio. Emily Scheid, alors j'adore cette fille parce qu'elle reprend des belles reprises françaises. Là elle a fait le cover de Natacha Saint-Pierre, mieux que l'original peut-être. Je n'ai que mon âme sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de ça, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Au boulot, c'est Francky. Don't believe me, just watch.

j'aime bien ça. Salut JP. Salut mon Francky. Excuse-moi, hein, chanter, ça te dérange pas, non? Ah non, de toute façon, vu le temps qu'il fait. Bah voilà, donc pire, hein, vous aurez de la grêle. Ah, c'est ça, au pire. Ça va? Bien et toi, le week-end? Bah, ça a été tranquille, hein, pépère, comme d'hab, hein, week-end de vieux, quoi. Ah, je suis vieux maintenant, hein, ouais, 52 balais cette année. Hein, c'est dans la tête que ça se passe, tout ça. Et toi, ton week-end, ça t'a fait quoi? Week-end presque pépère. Ah, la moitié de la pépère. Ouais, ouais. La moitié. Non. Bah écoute, on s'occupe, on essaye de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine. C'est ça, c'est ça. Il faut faire plein de trucs. Ça fait du bien. C'est l'émission ça. Qui va démarrer dans quelques minutes. Là, il est quelle heure? 5:47. Ça dépend où tu regardes. Ouais, 47. Bah merci à toi de démarrer ta belle émission. 8h. Ah, t'as pas la même heure que moi, si. On a la même heure maintenant. Ah oui, si, 15 secondes. Si. Avant, il y avait un décalage, je me souviens. Oui. Ah oui, non, c'était d'un studio à l'autre. Ah, il y avait une minute ou deux, je crois. Ouais, c'est ça, énorme. Mais. C'est le décalage horaire entre la vitre. C'est des vitres blindées, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, c'est barbale au cas où je me fais tirer dessus le matin à la radio, des fois. Ça arrive. Hein. Faut pas parler de malheur. Non. Toujours, il y a un dog qui va rentrer là-dedans. Bon, ça va, on est sécurisé, fermé quand même à la radio. Dis-moi, l'émission va démarrer dans 10 minutes, à peine. Bien sûr, avec. Plein de choses. Avec plein de choses. La vente, quelque chose, non? Non, il y a des apparts. Il y a un appart qui a déjà été vendu, il y en a d'autres là qui. Il y en a loué, non? Je crois qu'il y en a. Des maisons aussi? Non, maisons, pas de maison. Non. Et beaucoup d'offres d'emploi. Ah, des offres d'emploi. Dans le maçonnerie? Maçonnerie, cuisine, en cuisine. Ah bon? Cuisinier. Et tous en CDI. Hein. Tous en CDI, ouais. Ils attendent quoi les gens pour bosser? Je sais pas. Vous êtes cuistot, vous êtes carreleur, non? C'est pas carreleur, non? Maçon, peintre ravaleur. Ravalant de façade, ça c'est pour les filles le matin. Salaud. Non mais je rigole. Non mais sérieux, le ravalement de façade, les filles, se mettent du truc sur le visage. Hein. Tu viens de te faire des copines. Ah ouais, je salue toutes les filles qui nous écoutent au passage. Mais non, vous êtes belle au naturel. Ah ouais, la beauté naturelle, rien de mieux. C'est ce que dirait Stéphanie Biel, mais on dit. Ouais. Avec un arbre, il a trop fait un visage. Hein. Donc, non, elles sont toutes charmantes. Ouais. D'autres belles choses à vendre, non? Des bagnoles? Non. Une bagnole. Alors, si, une voiture, une Mercedes. Une Rancho. Non, une Mercedes, une CLS. Ah la vache, c'est coupé ça, non? Je sais pas. Ouais, CLS. Je suis pas spécialiste de voiture. Non, c'est Rancho, t'as connu la Rancho, toi, non? Ouais, j'ai connu. La Matra Simca Rancho, là. C'est à l'ancienne, ça. Hein. Et quand t'avais ça, tu te la racontais quand même. Ah ouais, non, mais c'était un faux 4x4. Hein. Donc, et puis après, il y a les dédicaces, bien entendu. Et puis voilà. Puis tout ça s'emmènera sur 3 heures d'émission. 3 heures pour vendre les trucs. Et puis les trucs à la demande, les disques, les trucs. Les trucs à la demande, une pizza. Ah, ça serait bien, ouais. Mais les disques à la demande. Donc disque à la demande et puis ça t'emmène sur 3 heures d'émission mine de rien. Ah bah il y a une belle émission alors. Bah écoute ça va. Voilà. Ça va pour un lundi matin, ça va. Eh bien, t'es quoi comme signe horoscope? Alors, horoscopique toi. Balance. Alors, attends, on va regarder le début. Hein. Une complicité de cœur et d'esprit vous lie de plus en plus à un proche et cela pourrait ne pas plaire à celui ou celle que vous aimez. Ah ouais, donc fais gaffe. Hein. T'as le bordel. Il est en bouille ce matin. Hein. Ouais. Ta femme va pas tarder à t'appeler. Hein. J'ai fait l'horoscope tout à l'heure. Elle t'a pas encore appelé, non? Non. Elle t'écoute en plus. Elle m'écoute. Eh bien, on la salue, la dame, la femme de monsieur JP Martins. Vermatin, qui va démarrer dans 10 minutes. On est prêt? Vous devrez trouver. Alors attends, je vais plus bouger. Ah ouais, t'as l'argent de travail. Trouver. Alors attends, trouver un équilibre entre vie amoureuse et vie familiale et sociale, célibataire. Ouais. Vous découvrez de nombreux atomes crochus avec une personne que vous. Ah, c'est pas moi, je suis pas célibataire. Non, fais gaffe. Argent et travail. Non, ça m'intéresse pas. Argent et travail. Bon. Ouais, non. La santé. La santé, c'est primordial. C'est important, la santé. Voilà, mon c'est ce qui est primordial. Eh bien voilà, Vermatin qui va démarrer dans quelques minutes avec toi. Et puis moi, je vous retrouve demain. Salut, mon Jean-Pierre. À tout de suite. Salut, ouais, à tout de suite. Et puis du son, ça c'est Maluma. Du bon son. Ah, je dis, sur l'écran, hein. Maluma. La température là. Aujourd'hui, la température pas terrible. Hein. 2 degrés, 7 degrés. Voilà. On se les pèle un peu quand même. Ouais, on est bien. Sous le soleil de la radio. Allez, belle journée. On Baby, la temperatura, con el palacio. tu cintura se ajusta. Quiero que no me hagan preguntas, si se pone un lacio, esos dos mesitos de gimnasio me tiene volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Juro que esta noche te estoy bailando en mi camarada, es un amanecer junto a ti. Ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio. Juro que esta noche te estoy bailando en mi camarada, es un amanecer junto a ti. Température, bah aujourd'hui on vous l'a dit, hein, jusqu'à 7 degrés, c'est pluvieux, humide, et Jesse Matador qui arrive, et puis Jean-Pierre, dans 6 minutes, et j'adore cette chanson, je sais pas pourquoi, mi amor, voici Monsieur Matador. Comme dans un monde qui tourne dans le vide, je décide ce soir de changer ma destinée. Quand tout s'effondre, arrive le signe, cette lueur d'espoir, l'envie de s'élever. Retrouver l'essence de l'envie, redonner un sens à ma vie. Écouter mon cœur, c'est essentiel, même si rien ne sera plus pareil. Attiser les flammes de la nuit, éloigner le feu de l'ennui. Faisons que nos rêves deviennent réels. Son et bien mange, mi trésor, mi collation. Je vous retrouve demain, 7h-9h, les familles. Rendez-vous demain, à 7h, soyez là. JP qui arrive tout de suite, il est là dans les studios.